les parages. Viens, viens voir le carnage. Les fast inco, on t'emmène en balade. J'écoute du rap toute la journée, j'analyse ce qu'ils en font. Je préférais ça à l'ancienne, on n'entend plus que des trucs dans le sang et dans le fond. J'ai l'impression que j'avance dans le vent. Dans ma galère, je m'enfonce où sont passés mes rêves d'enfant. Je suis un bonhomme, moi, j'assure ma famille avant tout. T'attendais ou pas, mon skeu dépeint, ça c'est qu'un avant-goût. On veut être appuyé. Ah, plus savoir quoi en faire, comment croire au paradis. Si dans ma tête c'est l'enfer, les temps changent. Apparemment les frères aussi, en conflit avec la chance. J'aimerais bien qu'elle me fasse un signe par ici. Les petits ont vite la haine, tout part en couille à 14 puis ça suce comme Brigitte. La haine, nique ta mère si tu parles mal de mon équipe. Tu nous aimes pas mais pour un feat, gros tu suces des bites. Ça me fait marrer, c'est pété, faut tout pour être crédible. Parle de kill mais pour fumer, demande à crédit. Quand je m'effade moi, c'est dans un nuage de fumée. Ma gueule, la vie c'est triste et hardcore comme les corps qu'ils retrouvent dans la dose. J'ai mal au cœur et ma tête est malade. Vraiment besoin que mon esprit s'évade. Trop sème quand j'entends leur salade. Les fast inco, on t'emmène en balade. On va pas sucer pour le succès comme certains chiffres. Si tu parles pas de nous, fils de pute, viens pas nous faire la bise. On veut du pif pour mettre à l'aise la mise. Dans le rap, c'est en restant nous-mêmes, frère, qu'on compte faire la tif. Là-haut, là-haut, le ciel est étoilé. Bâtiments, ciel gris, environnement pourri. Début de calvitie, vraiment trop de soucis. Pas assez de sous ici, j'ai besoin de souffler. Laisse-moi m'expliquer, t'exprimer sans brusquer. Toute la rage que je contiens. Esprit cadenassé, poussé à consommer. Ils nous ont tous baisés. Les neurones dilatés par un nuage de fumée. Le combat ne fait que de commencer, on ne va pas cesser. Flotte l'étendard d'une jeunesse laissée sur le côté. Tête cramée, pas d'emploi, gros bédo défoncé. Intérim surbooké, recalé. Rap ta général à tenir les murs de mon QG. À la recherche de capital frère, grosse peine à purger. On a la dalle, on a les couilles, on a les douilles. Faut plus on tourne, restons sens et sincères. L'ascenseur est cassé, boycott. T'es mal barré, vraiment dur de flyer. Comme ça oh quand t'as la vie qui te coupe l'herbe sous le pied. Pour tous nos frères et nos sœurs disparus, je crache un texte. Amère pas devant du jus ghetto et fier de l'être. La haisse nous tape depuis toujours, oh c'est la crise. Une bouteille de sky coupée à la tristesse. J'ai mal au cœur et ma tête est malade. Vraiment besoin que mon esprit s'évade. Trop sème quand j'entends leur salade. Les fast inco, on t'emmène en balade. On va pas sucer pour le succès comme certains chips. Si tu parles pas de nous, fils de pute, viens pas nous faire la bise. On veut du pif pour mettre à l'aise la mise. Dans le rap, c'est en restant nous-mêmes, frère, qu'on compte faire la tif. J'ai mal au cœur et ma tête est malade. Vraiment besoin que mon esprit s'évade. Trop sème quand j'entends leur salade. Les fast inco, on t'emmène en balade.